Ouais, salut l'ami. Oh, Timal, comment on va? Tu dis quoi? Ah, bah comme d'habitude, hein. Ah ouais? J'écris, je fais des petits sons. Tu rappes toujours? Bah, je rappe, ouais. Ah ouais? Ouais, puis je reste toujours. Je reste dans mon coin, tu vois, je fais mes petits trucs, ouais. C'est quoi le problème? Bah, tout. Parce que j'ai. Pas un sou, pas un but, enfin rien d'alléchant. C'est vrai que si j'écoute les autres, j'y situe mal mes chances. Je me fais discret, je suis bien que dans l'ombre. Moi en paix, non, dit à Soprano que j'envie sa colombe. Je me console à voir le fond de ma bouteille. C'est vrai, je me l'avoue pas, alors qu'au fond je suis fou d'elle, je suis bien. Enfin tout ça, je le fais croire. Gwen, arrête. Ok, alors maintenant, dis-moi, je fais quoi, tu sais? Je suis bien à faire mes jolis poèmes. Rester dans mon coin sur un banc pour faire ce que j'aime. Une larme sur ma voix, voilà mon langage des signes. Je comprends mieux pourquoi les canards ont rejeté le signe. Enchaîné à ce boulet qu'on appelle mallette. Car chaque année le Père Noël s'amuse à déchirer mes lettres. Tant mieux si on me voit comme un pacifiste. Hélas quand Dieu nous parle personne n'écoute et surtout pas ses fils. Je voulais dire, je vais jusqu'au bout, je te l'avoue. Je voulais dire, même si je m'enfonce dans la boue. Je m'en fous et je rappe, t'as qu'à faire le show. Je reste dans mon coin et j'essaie de faire des sons. Je voulais dire, je vais jusqu'au bout, je te l'avoue. Je voulais dire, même si je m'enfonce dans la boue. Je m'en fous et je rappe, t'as qu'à faire le sourd. Je reste dans mon coin et j'essaie de faire des sous. La vie courte, putain, et traîner ses chums. Engrainé par le touch, pas la tête à la teuf, mon ref. T'as vu dehors, c'est moche. Même les clochards te prennent de haut. Quand j'ai soif, je prends ma bouteille de DSP et pas de l'eau. Tout moi, je viens de l'ombre. Aussi instable qu'une bombe, ouais, sombre comme la vie. Même la nuit m'a banni, tu sais. En peu de choses, en peu de femmes, car c'est un peu chaud. La vie m'a dit, Marcus, fais confiance en l'amour. Je l'ai envoyé balader parce que je ne suis pas la boue. J'ai mal, c'est vrai, mais je continue à tenir debout. Ce que j'ai à te dire, c'est que je tiens encore le coup. Même si c'est flou, mes rêves noyés à la flotte. Seuls mes soucis me flattent, mon bonheur me donne des coups de latte. Mon cerveau fait de la lutte, mon ange gardien mort, emballé dans de la lutte. Je voulais dire, je vais jusqu'au bout, je te l'avoue. Je voulais dire, même si je m'enfonce dans la boue. Je m'en fous et je rappe, t'as qu'à faire le show. Je reste dans mon coin et j'essaie de faire des sous. Je voulais dire, je vais jusqu'au bout, je te l'avoue. Je voulais dire, même si je m'enfonce dans la boue. Je m'en fous et je rappe, t'as qu'à faire le sourd. Je reste dans mon coin et j'essaie de faire des sous. Cette vie, elle est en bas quand je picole, du rhum agricole. Je sais, je déconne comme c'est l'en bas quand on marre de l'école. Non, je suis pas gémant au point de dire bismillah. Je suis pas showbiz, c'est bim, fais pas la bise minable. Que ton rap soit militant ou dansant, on s'en fout, mais fais en sorte de laisser le rap français en sens. J'ai toujours des futurs ennemis en futuring. Et je sais que pour me soutirer le bif, il me tuerait. Dégoûté, mais si tu veux survivre, évite les SOS dans les bouteilles de JB vide. C'est super chaud de faire son trou, c'est clair ça. En plus, si ça joue perso quand il s'agit d'équipe. Non, y'a pas de galanterie, faites le talent petit. Et attendre 40 pistes, garantis que ça rend triste. Être les meilleurs ou les pires, le crier ou l'écrire. Avant de m'écrouler, j'tire, ah ouais, au fait. Je voulais dire, je vais jusqu'au bout, j'te l'avoue. Je voulais dire, même si je m'enfonce dans la boue. Je m'en fous et je rappe, t'as qu'à faire le show. Je reste dans mon coin et j'essaie de faire des sous. Je voulais dire, je vais jusqu'au bout, je te l'avoue. Je voulais dire, même si je m'enfonce dans la boue. Je m'en fous et je rappe, t'as qu'à faire le sourd. Je reste dans mon coin et j'essaie de faire des sous.